La présentation du groupe des petits papiers illustrait finalement assez bien les problématiques de santé qu'on suit nous. On voit qu'à travers l'accès au droit, les questions de santé elles reviennent régulièrement et que a priori ça a été dit dans tous les groupes de travail et que donc on a bien fait de faire un atelier santé et de voir en quoi finalement notre expérimentation des médiateurs pairs en santé peut être une action complémentaire dans cet accès au droit qui est parfois le parcours du combattant pour les gens et d'avoir quelqu'un qui est comme eux, qui a vécu comme eux, qui est issu du quartier, qui parle parfois leur langue, c'est quelque chose qui peut aider à faciliter l'accès aux droits et aux soins. Et on voit que 77 personnes, des personnes qui ont été vues dans l'allée verte, soit dans la rue, soit en porte-à-porte, reviennent ensuite aux permanences. Et donc on se rend compte que finalement, cette manière de travailler, qui est une chance, hein, puisque les autres professionnels n'ont pas le temps de le faire, permet d'aller chercher des gens qu'on ne verrait pas forcément aujourd'hui. Et donc ça, on peut se dire qu'il y a une certaine efficacité. Après, c'est jamais gagné. Il y a beaucoup de questionnements sur la pérennisation de ce type de dispositif, aujourd'hui financé par l'Agence régionale de santé. Et ce qu'on espère, c'est qu'on pourra, nous, avoir la capacité à transformer l'essai en l'intégrant dans nos équipes de manière pérenne. Ces expérimentations, elles sont très développées dans le secteur de la psychiatrie en France. Par contre, dans notre domaine d'activité, c'est très très peu développé. On commence à voir poindre certaines expérimentations. Au Canada, ça existe depuis une trentaine d'années. En Belgique aussi. En Belgique, on les appelle des experts de vécu. C'est une autre manière de les appeler. Donc, ils ont beaucoup d'antériorité. Nous aussi, on défriche quand même ce type de travail. Et donc, on a quelques associations avec qui on travaille, qui ont eux-mêmes des travailleurs pairs, mais pas en santé. Et donc, il y en a un certain nombre sur l'agglomération grenobloise. C'est un projet qui est lui-même évalué par un groupe de travail autour de dispositifs Totem. Et donc, il y a un certain nombre d'associations, comme le Relais aux ANAM, comme le Centre de santé Abbé Grégoire aussi, qui recourent à des travailleurs pairs. Ça va et toi ? Voilà. On est en échange de pratiques.